de l'histoire, Xavier Mauduit. Lire Proust, ici et ailleurs, histoire d'un phénomène littéraire. Le 8 septembre 1927, le journal L'Intransigeant nous donne l'opinion anglaise sur Marcel Proust, Proust qui est mort depuis 5 ans déjà. L'ouvrage de Monsieur Léon-Pierre Quin sur la vie et les œuvres de Marcel Proust a été traduit en anglais, ce qui a donné l'occasion à un critique britannique de fournir son opinion sur l'auteur de La Prisonnière dans le supplément littéraire du Times. Et c'est une opinion plutôt défavorable. La subjectivité exagérée qu'entraîne la maladie, dit-il notamment, se retrouve dans tous les ouvrages de Proust. Quoi ? S'étonne le journaliste. Pour les Anglais, Proust ne serait essentiellement qu'un malade. La question pourrait se poser pour les Italiens, les Brésiliens, les Chinois, les Japonais. Oui, comment Proust fut-il lu, traduit, diffusé ? Sylvie Ducas, bonjour. Bonjour. Au moment de parler de Marcel Proust, nous avons nos référents d'aujourd'hui. Alors là, l'auteur universel, Proust. Qui est Marcel Proust avant qu'il publie son ouvrage? Nous sommes en 1912, 1913, hein, c'est le premier volume 1913 de La Recherche. Est-il connu? Pas du tout. Pas du tout. Non, il est connu dans des petits réseaux mondains ou dans tout un cénacle mondain, mais il est très peu connu. Et Proust publie le premier volume en 1913. Ce volume, c'est toujours très compliqué de savoir dans l'édition la diffusion d'un ouvrage. Est-il très diffusé, beaucoup vendu? Il a déjà eu beaucoup de mal à être publié. Hein. On connaît quand même l'histoire. Proust présente du côté de chez Swann aux éditions, enfin, Fasquel qui va le refuser, à la NRF qui va, donc Gallimard qui va le refuser aussi, qui va passer à côté. Hein. Georges Schlumberger va faire un rapport très rapide et visiblement n'a pas saisi vraiment la substantifique moelle de ce premier livre. Et Gide va cautionner et regrettera toute sa vie de ne pas avoir été permis de publier du côté de chez Swann, rattrapera la bourde quelques années plus tard. Mais même Grasset, donc, qui publie le livre et puis qui s'est targué d'avoir publié Proust à la place de Gallimard qui n'avait rien vu, n'avait pas vu lui non plus grand chose puisque c'est du compte d'auteur. C'est-à-dire que Proust a payé intégralement la mise sous presse du livre chez Grasset. Alors, nous le savons, ce n'est pas parce qu'un livre est très vendu qu'il est bon. Et à l'inverse, si un livre ne se vend pas, c'est pas pour cela qu'il Mais est mauvais. Disons que c'est symptomatique quand même déjà d'un problème de Proust avec la réception française. C'est celui d'avoir déjà eu du mal à trouver un éditeur. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'une bonne réception critique de Proust. Oui. Alors, elle est là, mais elle est discutable. Elle est aussi très ambivalente. Bah oui, les spécialistes... Beaucoup, je pense que Proust en France, en tout cas, on reviendra peut-être là-dessus ensuite en discutant avec mon collègue, mais Proust n'a pas été compris dans les premières années et n'a pas été lu. Et ce qu'on peut dire à la décharge de ces publics de l'époque, même les publics critiques, etc., c'est qu'on n'a pas encore toute la recherche du temps perdu. Donc quand on lit du côté de chez Swann, moi je trouve que c'est très important de se dire que les lecteurs qui ont lu volume après volume les livres de Proust n'ont pas eu la même lecture du tout que ceux qui savent que ça va former, que ça forme un ensemble et que ça s'appelle À la recherche du temps perdu. Donc c'est quand même ça très important. Et donc quand on lit les premiers livres, je pense que Proust est un ovni, en tout cas dans le paysage littéraire français. Donc on ne le comprend pas et on ne le lit pas. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Étienne Sautier, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé justement sur Proust sous les tropiques, c'est un très joli titre hein, à votre ouvrage, et c'est votre thèse aussi, diffusion, réception, appropriation et traduction de Marcel Proust au Brésil. 1913-1960, c'est les dates que vous donnez sur cet ouvrage publié aux éditions du Septentrion. Dès 1913, il y a un écho brésilien, ou alors ce sont plutôt les Brésiliens à Paris qui lisent Proust? Alors de fait, c'est plutôt les Brésiliens à Paris qui lisent Proust, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces Brésiliens à Paris, La Première Guerre mondiale fait que beaucoup d'entre eux rentrent au Brésil et que même pour certains d'entre eux qui vont avoir une vie culturelle très riche, qui va être très important dans la vie culturelle brésilienne par la suite, certains d'entre eux l'ont lu à ce moment-là. Oui. Paulo Prado, qui est un des organisateurs de la Semaine d'art moderne à São Paulo, Quand on va à la bibliothèque bibliothèque centrale de São Paulo, ils ont dans leurs archives le volume de Paulo Prado, qui est une première édition originale de 1913, avec son nom, son ex libris, et il est fort probable qu'il l'ait acheté à l'époque. Donc voilà, on a effectivement tout un ensemble de Brésiliens qui rentrent au pays, et dont certains ont lu ou entrevu Proust. Et au moment d'évoquer à l'international, pour 1913, il n'est pas question d'imaginer encore de la traduction. Hein, tout le monde lit en français. De fait, il y a très peu de lecteurs brésiliens avant 1920, et de toute façon, avant 1948, date de la traduction brésilienne, qui précède la traduction portugaise, tout le monde lit en français. Ouais, tout le monde lit en français. Et Sylvie Ducas, nous parlons de ces éditions, édition originale de Marcel Proust. Ben, oui, c'est précieux parce que le livre n'est pas diffusé tant que ça. Il rentre dans une histoire de l'économie de l'édition. Ben, c'est un moment, mais ce n'est pas une révolution. Non. Et puis c'est très franco-français. Et donc, et c'est vrai qu'on en reparlera peut-être après. Le contexte n'est pas favorable à Proust. En plus, il a une écriture qui désarçonne les Français. On est dans une ère, par exemple, naturaliste. On est dans Zola, Soirée de Médan, etc. On est encore beaucoup dans ça et les prix littéraires resteront très longtemps associés à ce naturalisme ou à ce réalisme. Et là, du côté de chez Swann, comme à l'ombre des jeunes filles en fleurs, on ne comprend pas, quoi. Oui, on ne comprend pas. Sylvie Ducas, vous êtes professeure de littérature française contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil. Mmh. Et Proust, quand il publie les premiers volumes de la recherche en 1913, est-il considéré comme un auteur qui reflète un passé littéraire ou plutôt qui annonce un renouveau de la littérature? Alors, on ne sait pas encore. Il faudra attendre très longtemps dans la critique littéraire et grâce à beaucoup d'études universitaires, mais qui viendront plus tard, que Proust est un monument, un majeur d'une écriture moderne, d'un roman moderne. Mais quand il publie ses premiers volumes, hein, et même le prix Goncourt en 1919, voilà, il détonne par rapport à un attendu inconscient, une espèce d'horizon d'attente d'un livre réaliste qu'il n'est pas. Oui, qu'il n'est pas. Et puis, ce Goncourt de 1919, c'est un Goncourt qui a beaucoup fait parler. Et c'est normal, le prix Goncourt existait déjà depuis le tout début du XXe siècle. Écoutez, alors c'est toujours très émouvant d'entendre ces vieilles archives, c'est Claude Farrer, c'est le troisième prix Goncourt avec les civilisés qui se souvenaient de cette période. Et est-ce que je peux vous demander un mot, de nous dire, si vous êtes satisfait des publications de l'Imprimerie nationale de Monaco qui ont justement publié récemment Les Civilisés? Je le suis extrêmement. L'idée de réunir les livres qui ont obtenu le prix Goncourt, c'est une page de l'histoire littéraire. Eh bien, cette page méritait d'être examinée. Il y a eu beaucoup de livres qui ont obtenu le prix Goncourt et qui ne le méritaient pas. Il y en a qui l'ont obtenu et qui n'ont pas eu cependant le succès qu'ils méritaient. Et grâce à l'édition de l'Imprimerie nationale de Monaco sous la présidence du prince, va permettre de fixer les choses et de remettre ces livres à leur véritable place. Eh bien, je vous remercie beaucoup, maître, de ces quelques mots que vous avez bien voulu prononcer à ce micro. Merci beaucoup, Claude Farrer. Donc, prix Goncourt en 1905 avec Les Civilisés. Sylvie Ducas, ça veut dire quoi, recevoir un Goncourt dans ce premier XXe siècle? Alors, le premier prix Goncourt, c'est 1903. Donc, vous voyez, 1905, c'est des tout, tout premiers. C'est quand même une institution qui n'a pas encore assis son caractère institutionnel. Il va falloir quelques années et je pense qu'on le vrai premier événement littéraire, c'est justement le prix à Marcel Proust. En 1919. Même si on va le voir, le prix a créé une polémique énorme et a été là aussi sujet à beaucoup de débats. C'est quand même le prix Goncourt de Proust qui fait d'un prix littéraire un événement. Et il faut savoir, ça les gens le savent plus, parce que c'est pas du tout le Goncourt d'aujourd'hui, turbine à best-seller, promotion, marketing, etc. À cette époque-là, c'est beaucoup plus artisanal. Et on a donc un prix qui est quand même une instance de consécration. Hein, c'est en lien avec le testament d'Edmond de Goncourt. C'est reconnaître la jeunesse, l'originalité du talent. C'est cette mission qui est donnée à 10 académiciens, donc ce n'est pas rien. Mais c'est une institution en voie voie de construction. Et Proust, et malgré la polémique qui va se créer sur son prix, va être quelque chose qui va permettre au prix Goncourt, même dans le scandale et dans la polémique, de se faire une place dans l'institution littéraire qui est dominée à l'époque, c'est très simple, par l'Académie française, qui ne veut pas entendre, sinon très timidement depuis 1914, veut pas entendre parler de romans, et qui, dans la hiérarchie des genres, privilégie très nettement la poésie et le théâtre. C'est quoi cette polémique autour du Goncourt de Marcel Proust ? Ah, la polémique au prix, oui, parce qu'on dit maintenant, ce qui est drôle, hein, c'est paradoxalement, aujourd'hui maintenant, l'Académie Goncourt se targue d'avoir découvert Proust, oublie un peu de rappeler qu'ils ont raté Céline pour de très mauvaises raisons en 1932. Mais quand Proust a son... Il faut remettre les choses dans leur contexte. 1919, ça fait qu'un an que la guerre est finie. Et en France, la littérature, c'est un espèce de mémorial, mémorial du héros tombé au champ d'honneur. L'année où il candidate, Proust, il y a Dorgelès. Il y a Dorgelès avec les croix de bois. Donc il est évident que le grand public ne comprend pas pourquoi l'Académie Goncourt n'a pas attribué le prix. Ça s'est joué à une voix. Au troisième tour, donc c'était extrêmement serré, hein. 6 voix, mais avec une voix qui s'est rabattue au troisième tour, sinon c'était 5-5, Proust et Dorgelès. Justement, voilà ce que disait Dorgelès quand il a appris qu'il n'avait pas le Goncourt et que c'était Marcel Proust qui était couronné. Mon échec au Goncourt de 1919 contre Proust a été la plus grande chance de toute ma vie. Imaginez ce qui se serait passé si j'avais été vainqueur de Proust. Ni la génération présente, ni les autres, ne me l'auraient jamais pardonné. C'est bien ça, c'est Pierre-Marie Baudouin dans Le cours de l'histoire qui reprend ces phrases de Roland Dorgelès. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort autour de la polémique, le prix Goncourt. Vous nous l'avez clairement dit, c'est un moment de l'histoire même du prix littéraire. Dites-nous, Étienne Sautier, est-ce que ça a eu une incidence, le fait que Proust reçoive le Goncourt ? Alors oui, il faut quand même souligner que même si le Goncourt à l'époque était un prix en essence finalement dans sa jeunesse, il avait malgré tout de grosses répercussions. C'est-à-dire que dans la presse brésilienne, quand on regarde avant 1919 les occurrences du nom Proust, très souvent c'est Adrien Proust qui apparaît, c'est-à-dire le père. Et en 1919, dans les 2 ou 3 premières semaines après le Goncourt, enfin 1920 puisque c'est vraiment au tournant, on a plusieurs articles qui annonce le Goncourt de Marcel Proust, donc il y a vraiment une répercussion mondiale. Par ailleurs, la polémique sur le Goncourt a aussi une répercussion au Brésil, parce que les Brésiliens qui lisent Proust à l'époque sont très clairement des élites sociales et intellectuelles. Et dès lors, c'est des gens qui lisent en français et qui se tiennent parfaitement au courant de ce qui se passe en France. Donc la NRF, les revues dans lesquelles il y a des articles, l'Humanité ou autres revues avec la polémique sur Proust arrivent au Brésil de la même manière qu'elles arrivent en France. Sylvie Ducas. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ce qu'on reproche beaucoup par rapport à Dorgelès qui a fait la guerre, héros, qui rend hommage aux morts pour la patrie, Proust, il n'a pas fait la guerre parce qu'il est malade. Il est vieux. Pour les gens, 48 ans, c'est déjà... On est vieux. Il est riche. Il n'a pas besoin d'une prime de la prime du prix Goncourt, qui à l'époque est assez conséquente. Hein, il n'y a pas eu toutes les dévaluations, etc. Donc il est riche, il est rentier, il est âgé. Voilà, pourquoi lui donner... et on ne comprend pas son livre, donc en quoi c'est la jeunesse du talent ? Oui, il y a toujours eu une ambiguïté dans le prix Goncourt. Qu'est-ce qu'on entend par jeunesse ? Jeunesse de l'auteur ou jeunesse de l'œuvre ? C'est son caractère vraiment novateur. Et en France, on est très attaché, encore aujourd'hui, hein. Là il y a un retour, je trouve, de l'auteur qui est énorme, c'est l'homme et l'œuvre. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas bien, on va plus lire le livre. Et ça, c'est déjà le cas dans les années 1920. Dans les années 20, c'est encore l'idée que c'était Dorgelès, l'auteur, qui devait avoir le prix, pas Gallimard. Et pas Proust. Pardon. Pas Proust, oui, parce que Proust, c'est le planqué. Mais ouais. Quand Proust est lu sous les tropiques, je reprends le titre de votre ouvrage, Étienne Sautier, c'est une lecture, en fait, par des Brésiliens, selon le filtre français. Ce n'est pas encore le Proust universel. Les Brésiliens qui lisent Proust ont tous les codes des salons parisiens. Alors oui, il y a un tournant, effectivement. qui arrivera plus tard. Mais à cette époque-là, c'est effectivement des Brésiliens qui ont les codes. Il faut savoir que quand un Brésilien lit Proust dans les années 20, c'est dans un pays où on a encore des taux d'analphabétisme très élevés en langue portugaise. Et donc, ça fait partie de l'infime minorité qui peut lire Proust en langue française. Ce qui est, alors même si ça devient assez rapidement un référent d'une certaine élite culturelle au tournant des années 30, il y a beaucoup de Brésiliens qui s'en revendiquent sans l'avoir lu. Il y a d'ailleurs dans les années 40 un article à ce sujet qui s'appelle Proust Slogan, qui souligne le fait que beaucoup d'intellectuels brésiliens citent Proust dans une démarche finalement de distinction. Oui, c'est ça. Cet effet de distinction est passionnant parce qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Hein. Il faut avoir lu Proust ou relu Proust. Sylvie Ducas, il y a de ça aussi avec bien Marcel sûr. Proust. Mais à l'époque, en 1919, dans la colère de ne pas avoir cette littérature de guerre sanctionnée et consacrée à travers Dorgelès, on va dire c'est un roman de snob et de mondain. Quoi. Ouais, c'est voilà, ça. On a réduit Proust, qu'à mon avis, on n'a même pas lu, à cette figure voilà du snob et du mondain qui trouve écho comme le dit mon collègue au Brésil parce qu'on est dans cet univers des codes des réseaux mondains et qui sont pas les réseaux grand public d'un prix littéraire. Et encore, ça ne trouve pas son écho partout. Évidemment, il y a divers espaces, c'est-à-dire à Rio, évidemment, il y a une sorte de courant lié au 19e littéraire qui accueille Proust assez facilement. À São Paulo, ce qui est assez intéressant, c'est que le livre est présent. Il est présent dans les bibliothèques des modernistes. Il est annoté, donc c'est-à-dire qu'il est très clairement lu. Il est extrêmement peu évoqué. Il est évoqué quand on parle de la presse française, il est évoqué quand on parle de la mort de Proust dont la NRF se fait l'écho, et dont du coup les revues brésiliennes se font l'écho, les revues paulistes se font l'écho, mais en revanche, il est premièrement plutôt critiqué et par ailleurs assez peu reçu. Mais à une époque où São Paulo a malgré tout une ouverture puisqu'ils invitent Sandrart. Donc il y a c'est pas compatible avec une pensée nationale culturelle à ce moment-là, São Paulo sans doute. Et puis nous parlons effectivement du Brésil, mais c'est un grand pays et comme toujours il faut faire des changements d'échelle. Oui, Proust est lu à l'international, même aux États-Unis, mais parfois c'est dans des tout petites villes. L'universalité de Proust est incontestable. J'ai été amené il y a 2 ans à faire un cours sur Proust dans une université des États-Unis. Et c'était une ville du centre des États-Unis, c'était même pas New York. J'avais là une centaine d'étudiants, jeunes gens et jeunes filles, et j'ai été frappé de voir à quel point ces sentiments dont on nous dit quelquefois qu'ils ont été ceux d'un monde étroit, les touchaient. C'était leur propre passion. Évidemment, le snobisme qu'eux pouvaient observer était un peu différent de celui des Verdurin, mais l'essence en était la même. L'amour est le même, la jalousie est la même dans le monde entier. Et le monde entier sent bien que Proust a exprimé ces choses et les a analysées plus profondément que qui que ce soit. C'est André Mauroy, l'écrivain, qui s'exprimait à propos de Marcel Proust aux États-Unis. Il parlait en 1947. Le côté universel de Marcel Proust, à partir de quel moment apparaît-il, Sylvie Ducas? Alors la réception littéraire en France de Proust, elle est très compliquée. Hein. Il y a vraiment des hauts et des bas. Schématiquement, je dirais des années... Les pires années, c'est les années... il y a les années de balbutiement, on le connaît pas, parce qu'il faut quand même voir qu'il va faire son œuvre en 9 ans. 2013, son prix Goncourt, il est en 1919. 3 ans après, il est mort. Donc c'est une réception, une reconnaissance très posthume qu'a Proust en France. Mais en gros, les années 30-50, c'est vraiment une période où il est vénéré au Royaume-Uni. Là, on retrouve un auteur lié hein, à l'esthétique d'un George Eliot, Thomas Hardy, etc., mais qui est très étranger au goût français. Et on va avoir des difficultés avec sa prose, avec son écriture. Après, Gaëtan Picon, ça c'est quand même un symbole, un symptôme. Quand en 49, il fait son panorama de la nouvelle littérature française, il met pas Proust. Ah oui, En 49. On est en 49. Ouais, ouais. Et c'est une sommité, Gaëtan Picon, à l'époque. Hein. Faut attendre les années 50 à 80, avec l'engouement de la critique universitaire. Hein. Donc, c'est l'université qui va reconnaître Proust. Éclosion donc des études proustiennes. Alors Barthes, Deleuze, Kristeva. Mais même avant, on a eu d'autres personnes pour favoriser la reconnaissance et le passage vraiment là à la consécration, c'est-à-dire à la canonisation, puisqu'on va l'étudier à l'université. Étienne Sautier, pour le Brésil, là aussi nous avons un Proust qui est extrêmement lié à un monde fermé universitaire, je veux dire, un monde d'une petite élite, les happy few, hein, qui parlent français, qui peuvent lire en français, qui échangent, qui ont les revues qui viennent d'Europe. À quel moment Proust commence à être diffusé ? Il faut attendre la traduction déjà. Non, il est diffusé assez rapidement en langue française. C'est-à-dire les premiers articles sur Proust en langue française commencent autour de 1923-24. On a une conférence d'un comparatiste français, futur académicien Paul Hazard, en 1926, qui lance en fait une réception brésilienne de Proust avec des conférences qui se suivent dans les années juste après. Mais il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toute une lecture brésilienne de Proust. C'est-à-dire que c'est reçu à Rio, c'est très peu reçu à São Paulo. Et par exemple, dans le nord-est brésilien, qui est dans une démarche de régionalisme, la focale, c'est Combray contre Paris. Le ruralisme finalement contre le centre culturel perçu que sont São Paulo ou Rio. C'est intéressant de voir une importation européenne, tout ce qu'il y a de plus parisien, servir à dénoncer l'importation culturelle en gommant finalement les espaces, les centres, les capitales culturelles brésiliennes que sont São Paulo et Rio. Ah oui, parce que dans la réception, en fait, selon les différents pays, il y a des angles qui sont attaqués. Alors, c'est vrai que le snobisme, Sylvie Ducas, vous nous l'avez dit, pour les Britanniques, mais parce que, sans doute, cette aristocratie fait écho à des systèmes qui sont toujours en place au Royaume-Uni. Ça évolue énormément selon les pays, en fait. Oui, c'est pour ça que c'est très important. Même la notion de canon, on dit toujours, c'est les normes gravées dans le marbre. C'est pas vrai du tout. Le canon, il est labile, il est mobile, il s'adapte au contexte, hein, et aux évolutions. Et puis surtout, il a toujours derrière, on le dit pas beaucoup, les lecteurs, les publics. Le classique qui n'est pas lu n'existe plus. Donc la question de public, par exemple, Proust, je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'intuition que s'il n'était pas lu plus largement, la mort venant, il risquait de plus être lu du tout. Il se fiche complètement du prix Goncourt. Hein. Il dit c'est une pauvre chose. Mais je veux l'avoir parce que je vais pouvoir être lu. Alors c'est pas encore à des centaines de milliers d'exemplaires comme maintenant, de centaines des tirages énormes, mais c'est déjà énorme. Pour donner un exemple, 1913 du côté de chez Swann, faut un an pour qu'il atteigne péniblement les 2000-3000 exemplaires, c'est déjà très bien pour un auteur. Mais le Goncourt immédiatement, c'est 15 000 exemplaires vendus, même si Dorgelès en aura 85 000. Ça, c'est tous les mécontents qui vont acheter le prix Femina, donc qui est le rival du Goncourt, hein, prix de femme, qui va permettre à Dorgelès d'avoir des ventes énormes. On commence à aller vers le 100 000 exemplaires. Mais 15 000 exemplaires pour Proust, c'est déjà énorme. Il a fait une entrée par ce prix, il avait raison. Donc il a vraiment l'intuition que c'était le lectorat quand même. Et la capacité donc de diffuser auprès des lecteurs ses textes, c'est les faire lire qui compte. Et le prix Goncourt pour lui, l'Académie Goncourt, c'est une institution majeure et il a raison. Oui, parce que Proust est souvent présenté comme étant enfermé, écrivant presque pour lui-même, alors que non, il pense à la volonté. Enfin, il est enfermé parce que le jour du prix, il est chez lui, il sort d'une crise d'asthme, mais il parle pas aux journalistes, il les refuse. Mais il est ravi d'avoir ce prix qui lui permet d'avoir 15 000 lecteurs. Justement, le jour du prix, nous savons ce qui s'est passé précisément chez Marcel Proust grâce à Céleste Albaret, sa servante, qui raconte. Marcel Proust, lorsque je lui ai demandé ce qu'était le prix Goncourt, me répondit que pour lui, c'était le seul prix littéraire qui comptait à ses yeux. Ce n'est qu'une quinzaine de jours avant le scrutin que sur la pression de plusieurs amis, en particulier Reinaldo Hahn, il accepta de présenter son livre aux académiciens de la place Gaillon. Le jour où le prix lui fut attribué, je peux vous assurer qu'il n'y pensait même pas. Je lui avais servi son café, son déjeuner vers les 3 heures de l'après-midi. Et il me demanda de ne le déranger pour personne. À 5 heures arrivèrent, tout rayonnement, Monsieur Gallimard, Monsieur Gide et Monsieur Jacques Rivière, qui m'annoncèrent la victoire de mon maître. Céleste Albaret qui s'exprimait en 1950 à propos de cette journée particulière de 1919 quand Marcel Proust reçoit le prix Goncourt. D'ailleurs, il faut rappeler aussi, le Goncourt, ce n'est pas pour du côté de chez Swann. C'est pour le deuxième volume. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Moment important du prix Goncourt, vous nous l'avez dit à Étienne Sautier, parce que au Brésil, cela est évoqué dans la presse, dans une lecture internationale. Est-ce que la diffusion de Proust suit le même mouvement? Il est présent aux États-Unis, on l'a entendu avec André Mauroy, au Royaume-Uni, au Brésil, évidemment, au Japon aussi. Est-ce que ça suit la même chronologie? Alors, de fait, c'est très rapidement. Le Goncourt en annonce finalement, annonce l'existence de l'écrivain assez vite tout autour du monde. Après, on a des chronologies différentes et différenciantes, notamment autour de la traduction. Par exemple, on voit que la première traduction qui est faite, elle n'est pas anglaise, elle est espagnole. C'est Pedro Salinas qui publie du côté de chez Swann en traduction en 1920. Traduction non terminée, qui, enfin, évidemment non terminée, puisque voilà, mais qui sera reprise par la suite en Argentine. C'est-à-dire que le premier volume restera celui de Pedro Salinas et Marcelo Menasque, à partir de là, dans les années 40, va traduire le reste de la recherche en Argentine. On voit qu'au Brésil, notamment, on en est actuellement à la 3e traduction, qui est en cours en ce moment. Des rééditions de la première, mais on en est à une 3e traduction effective. Et par ailleurs, il y a plusieurs langues et la traduction ne se fait pas au même moment. Oui, puis c'est pas simple à traduire, Proust. C'est pas simple à traduire, sans doute. Oui. Non, mais c'est vrai, avec ces phrases extrêmement longues, il faut donner ce sentiment, en fait. C'est très complexe et j'imagine aussi que dans la traduction, Étienne Sautier, il y a la nécessité d'expliquer pour un lectorat qui ne connaît pas comment fonctionne le monde parisien de la belle époque. Il y a des noms, qui sont tous ces gens? Alors oui, il y a évidemment une question de référent et de connotation qui joue. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on rend la Madeleine au Brésil? C'est une question importante, parce qu'on va certes rendre le gâteau qu'est la Madeleine, mais la Madeleine, ça parle autrement en français. C'est très souvent le petit gâteau du goûter qu'on retrouve en rentrant de l'école. Toute cette dimension-là, on ne l'a pas nécessairement au Brésil. Et c'est comme quand on traduit un auteur comme Céline. Est-ce que dans un pays où il y a finalement São Paulo et Rio, qui sont deux centres culturels très importants, est-ce que pour rendre Paris la langue que recrée Céline, est-ce qu'on va choisir une banlieue de São Paulo, une banlieue de Rio? Est-ce qu'on va choisir de la banlieue? Est-ce qu'on va choisir de la favela? De quelle manière on va rendre finalement cette langue pour laquelle Céline s'inspire d'un argot du nord de la région parisienne? Dites-nous, s'il vous plaît, comment on a traduit la Madeleine? Qu'est-ce qu'on en a Alors, fait on de la Madeleine? On l'a gardée. On l'a gardée, la Madeleine, parce qu'évidemment, il y a une dimension iconique chez Proust autour de la Madeleine. Mais je pense que ça correspondrait sans doute à d'autres choses au Brésil. La question se pose et se posera toujours. Je pense que la Madeleine est inattaquable. Voilà, c'est ça. La Madeleine proustienne, on n'y touche pas. Je vous propose d'écouter justement dans la voix de Pierre-Marie Baudouin, Manuel Bandeira, donc un des traducteurs de la recherche en brésilien. Par deux fois, j'ai essayé de lire Proust et j'ai échoué. C'était au temps où le génial romancier était encore vivant, ce qui au final est plutôt bon pour moi. Le mythe Proust n'était pas encore formé. Il n'avait pas encore d'admirateurs à la douzaine, les vautours de la consécration posthume. C'était encore au temps où notre grand Grassa Aragna écrivait « Proust ne nous rajeunit pas ». Considération importante pour qui veut rajeunir. Aujourd'hui, Proust ne nous rajeunit toujours pas. Proust est toujours difficile à lire. Mais comme il est mort et qu'on lui reconnaît maintenant du génie, tout le monde doit avoir lu Proust. « Manuel Bandeira qui s'exprimait dans les années 1930, donc qui participe à la traduction en brésilien de Proust, et c'est plus tard, c'est dans les années 1940. C'est à partir de 48, le premier volume est paraît en 48. Et lui, le volume qu'il traduit paraît en 54. C'est formidable hein, de l'entendre de dire, et il est dans les années 30, que tout le monde doit dire qu'il a lu Proust, parce que ça fait bien. Sylvie Ducas, justement, comment se construit ce personnage d'écrivain national, Proust, comme la référence? Ah bah l'écrivain national, c'est un emblème national. Donc c'est là où je peux dire d'ailleurs que l'Académie Goncourt, elle est considérée comme une académie française. Elle a pris les devants de l'Académie française jusqu'à la fin des années 50, avec Colette, président, l'Académie, etc. Donc le grand écrivain, c'est une figure qu'on traîne depuis, enfin pas qu'on traîne, mais qui existe, c'est une icône nationale, elle a été construite avec son panthéon, son temple et ses encens sous la Troisième République. Et pour c'est Proust, une figure très forte. Mais oui, parce que pour Proust, nous sentons bien qu'il y a un travail. Alors, ouais. Vous avez écrit La littérature à quel prix ? Histoire des prix littéraires, c'est une histoire aussi de l'économie de l'édition qu'il faut mettre en place quand il est question de Proust. Il y a aussi tout un travail de présentation de Proust comme l'auteur absolu. Oui, et c'est une construction. C'est une construction nationale. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer ce que mon collègue montre au Brésil. Ce sont des constructions. Alors, parfois, elles se rejoignent. Mais la construction anglaise n'a rien à voir avec la construction française. Mais c'est, en France, je pense quand même, on a cette idée du grand homme avec son panthéon national, cette mission nationale de la littérature qui va décliner à partir des années 60-70. Et au Brésil ? Alors, il y a sans doute un tournant. C'est-à-dire que effectivement, le moment que vous évoquez avec Manuel Bandeira en 1930, c'est un moment où effectivement on passe de l'auteur d'importation française à quelque chose de beaucoup plus universel. Et ce tournant se joue à travers trois éléments à mon avis. Premièrement, cet article de Manuel Bandeira qui dit finalement que toute personne cultivée doit avoir lu Proust, ce qui est très exigeant au Brésil quand même à l'époque. On a Gilberto Freire dans Maîtres et esclaves en 1933, qui est un des premiers essais sociologiques de définition du Brésil, qui dans son introduction se réclame de la méthode proustienne, ce qui montre finalement qu'il y a une vraie intégration de l'auteur autour de l'identité brésilienne déjà. Et par la suite, c'est vrai qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est quand on regarde la presse brésilienne des années 1930, Proust y est beaucoup moins traité en tant que tel, mais en revanche, il sert de jauge pour toute la modernité littéraire. C'est-à-dire que quand on parle de Virginia Woolf, on y compare Proust. Quand on parle des auteurs de Joyce, on y compare Proust, bien sûr. Et tous les auteurs qui arrivent sont mesurés à l'aune de Proust, ce qui est très intéressant. Ah, c'est passionnant ce côté ouais. Proust jalon, Sylvie Ducas. Exactement. Et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, parce que ça éclaire complètement ma lanterne. Cette idée que la canonisation de l'auteur, elle passe par la critique, elle passe par des réseaux critiques, j'entends critique littéraire qui va lire ou critique mondaine, etc. Mais que c'est une construction et qu'elle est en devenir. C'est-à-dire que c'est un processus en devenir. Proust, on a dit, n'était pas reconnu dans les années 30-50, alors qu'il l'est dans un autre pays. Mais parce que la critique aussi, derrière la critique, c'est les lecteurs. Les lecteurs, c'est l'appropriation de l'œuvre par les lecteurs. Hein. C'est Sartre qui disait « si mon livre n'est pas lu, c'est un tas de feuilles mortes ». Oui. Mon livre est un tas de feuilles mortes. Donc ça veut bien dire qu'il y a cette notion, et cette notion de lecteur, elle a mis beaucoup de temps en France à être acceptée. Il faut attendre les années 60-80, l'intérêt aussi pour la lecture psychanalytique, puis la textualité qui fait qu'on a tout lecteur a le droit de porter, de créer du sens avec l'auteur depuis Barthes avec le texte depuis Barthes et Foucault. Mais vous voyez, c'est un processus qui est pas du tout linéaire et qui n'est pas du tout immédiat. Ça se construit petit à petit. C'est passionnant de voir ce qui fait que des auteurs vont disparaître et d'autres vont rester. À ce propos, je ne peux pas m'empêcher de citer un article de Pierre Bayard, qui joue toujours sur les paradoxes, parler des livres qu'on n'a jamais lus, etc., qui a fait un article génial dans un numéro de revue sur le canon littéraire, où la question c'est « et si Proust n'avait pas existé ?» Eh ben, on aurait eu Anatole France. Et si on avait eu Anatole France, on n'aurait jamais eu le nouveau roman, on n'aurait jamais eu les autofictions d'aujourd'hui, etc. Et ça, oui. C'est, j'adore cet article qui montre bien que le canon, c'est quelque chose qui se crée sur des aléas et du précaire, finalement. Anatole France, mais vraiment vedette au Brésil au début du XXe siècle. Et puis un peu après oublié, remplacé par Proust. Ben, totalement. Notamment à Rio, qui sont des milieux... en fait, le terme d'anatolisme s'utilise au Brésil pour définir un certain monde culturel carioca au tournant des années 20. Donc il y a un vrai attachement pour Anatole France, et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on reçoit aussi bien Proust à Rio, parce qu'il s'inscrit dans une tradition qui est assimilée, finalement. Anatole France, Proust, ouais, c'est un peu Proust qui a gagné, mais il faut lire Anatole France parce que c'est génial. Lire Proust, ici et ailleurs, histoire d'un phénomène littéraire. Quelle est la leçon de Proust, Marguerite Duras? France Culture. L'enseignement majeur, principal. Le cours de l'histoire. C'est l'existence même de Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Total, et dans l'espace et dans le temps. Xavier Mauduit. C'est tout, enfin, pour ma part. Et c'est l'essentiel. C'est tout et c'est l'essentiel. Marguerite Duras, L'Amant, prix Goncourt, 1984. Hein, comme quoi, nous avons toujours cette référence proustienne qui est passionnante parce que avec Proust, nous touchons à quelque chose d'universel. Par exemple, énorme succès au Japon. Étienne Sautier, c'est vrai que qu'est-ce qui peut expliquer que Proust... élu au Brésil, élu aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon. C'est-à-dire que dans cette démarche, est-ce qu'il y a la recherche d'un univers français qui paraît exotique quand on est au Japon ou au Brésil, ou est-ce parce que l'on y cherche quelque chose qui nous parle à nous? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire la recherche d'un univers français, ce qu'on y retrouve à soi, la notion d'horizon d'attente finalement. Il y a sans doute un peu des deux, et par ailleurs une lecture qui est parfaitement légitime, quelle qu'elle soit finalement, parce qu'elle correspond à un espace de réception. Mais il y a sans doute un petit peu, et il y a sans doute un passage, un moment justement où l'auteur est assimilé et approprié, ce qui fait ça. Effectivement que comme par la traduction d'ailleurs, tout à fait, une appropriation culturelle nationale d'un livre et d'un auteur, de l'imaginaire d'un auteur par un pays. Ça, oui, c'est fascinant. Donc on n'a pas les mêmes. On n'a pas le même Proust, je pense quand même. On se retrouverait sur une petite limite moyenne, mais un petit mais très restreint finalement, puisque la lecture, c'est la réappropriation par avec toute la culture et l'imaginaire d'un pays. Hein. Cette limite moyenne, ce point commun que nous avons tous, il est résumé dans le film Little Miss Sunshine en 2006, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Donc ce film où Proust soudain apparaît, et vous allez voir, il est possible de résumer Proust. Par moments, je voudrais m'endormir jusqu'à mes 18 ans. Pour échapper à toute cette merde, le lycée et tout, sauter tout ça. Tu connais Marcel Proust? Le gars sur qui tu donnes des cours? Oui, un écrivain français. Un loser toute catégorie. Il n'a jamais travaillé. Des histoires d'amour bancales, gay. Il a passé 20 ans à écrire un bouquin que pratiquement personne n'a lu, ce qui ne m'empêche pas d'être le plus grand écrivain depuis Shakespeare. Enfin bref, lui, en arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie, qu'elles avaient fait de lui ce qu'il était et que toutes les années de bonheur avaient été une perte de temps. Il n'avait rien appris. Alors, si tu t'endormais jusqu'à tes 18 ans, oh, pense à toute cette souffrance que tu raterais. Le lycée, tiens, surtout le lycée, ce sont les plus belles années de souffrance. C'est de la souffrance de première qualité. Vive la souffrance, Little Miss Sunshine. Étienne Sautier, dans la réception de Proust, il y a quelque chose qui échappe à tout contexte. C'est ça qui est fascinant avec Proust. Un politique, apolitique, on ne sait jamais où il se situe vraiment. Mais Proust, c'est une image alors que l'on pourrait qualifier de droite dans l'univers dans lequel il évolue avec tous ses attachements-là. Comment est-il reçu au Brésil où les débats politiques sont vifs? Alors c'est intéressant parce qu'il y a effectivement des moments où la réception est compliquée ou même elle est coupable. C'est-à-dire l'exemple justement du tournant des années 40, c'est un moment au Brésil où il y a une nouvelle génération intellectuelle qui est issue de la jeune université de São Paulo, formée entre autres par Lévi-Strauss, Brodel et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont pour beaucoup très engagés à gauche, qui mettent en place une nouvelle revue qui s'appelle Climat. Et dans cette revue, en fait, On a toute une génération qui a découvert Proust, qui découvre Proust à ce moment-là, parmi un certain nombre de membres de cette revue, et qui ont une certaine culpabilité à le lire, parce que justement, on est en plein moment de Seconde Guerre mondiale, sous Getúlio Vargas, donc le président populiste local, avec une certaine difficulté pour les milliers de gauche à parler de Proust, alors même qu'ils l'apprécient. Et très souvent, c'est des articles où ils disent leur adhésion à l'œuvre de Proust, et où en même temps, enfin, au style de Proust, et où ils disent en même temps leur rejet de Proust comme un auteur du passé, un auteur qui est mort. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par ailleurs, dans ces milieux culturels, des correspondances, notamment avec un des soutiens de cette revue, à qui il est reproché dans une lettre de soutenir ces jeunes gens, parce que ces jeunes gens parlent de Proust, c'est des petits bourgeois, alors même qu'eux ont une culpabilité à parler de Proust, et le disent. Donc c'est intéressant, il y a ce regard contextuel qui complique les choses. Oui, parce que c'est ça, étudier la diffusion de Proust et la manière dont Proust est lu oblige à plein de positionnements différents. Et puis il y a la temporalité. Sylvie Ducas, Proust, eh bien peu à peu apparaît comme un auteur qui fait avancer la littérature, c'est la modernité, pour utiliser un mot très simple, mais on sent qu'il y a comme une bascule qui s'opère dans cette histoire de la littérature contemporaine, où Proust, malgré tout, devient la belle langue. Il y a ce jeu-là aussi. Oui, la belle langue, alors dans une tradition aussi française, hein, de la belle langue, on le récupère aussi, je veux dire, sa consécration s'installe aussi par le fait qu'il nourrit la grande veine du roman d'analyse, depuis Madame de Sévigné jusqu'à lui, et qu'il est moderne aussi, parce que c'est un écrivain du corps, de l'inconscient, du rêve, de l'imaginaire. Donc il y a toute la psychanalyse, par exemple, qui va explorer ces métaphores et cette écriture très particulière des sinuosités, des intermittences du cœur et de l'âme. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il lui a fallu toutes ces décennies pour arriver à finalement, dans sa singularité qui a complètement la rendu illisible lorsqu'il a sorti ses premiers livres, de maintenant rendre un Anatole France illisible, je suis désolée, moi aussi j'aime beaucoup Anatole France, hein, mais illisible par la simplicité peut-être, la façon très claire et carrée d'écrire d'Anatole France, et leur préférant à Anatole France, les sinuosités, les zones d'ombre, etc., dans lesquelles on peut se perdre et élaborer toutes les théories qu'on veut. Hein, voilà. Et puis, c'est ça l'intérêt de Marcel Proust, c'est cette diffusion internationale. Nous avons parlé un peu du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Brésil, évidemment. Il faut faire quand même un petit clin d'œil à l'Italie. Donc, Luchino Visconti, j'ai l'impression que Proust est vraiment l'auteur de qui vous vous sentez le plus proche. Quels ont été, si vous voulez, les points de choc avec l'univers proustien? Vous savez, la première fois, j'étais je crois assez jeune, parce que c'était en 22, 23, quand la première édition de Swann est arrivée en Italie. Je me rappelle que mon père m'avait dit un jour, je suis en train de lire un livre qui m'est arrivé hier, j'ai commencé cette nuit à le lire, et je suis tellement fasciné que je souffre à chaque page que je tourne parce que je pense que ça sera bientôt fini. Il m'a passé le livre de Guilherme, c'était du côté de chez Swann. C'était la première fois que j'avais un contact avec Proust. J'étais pas seulement fasciné, mais abasourdi. Et au fur et à mesure que quelques nouvelles éditions sortaient, qu'on retrouvait des lettres, qu'on a retrouvé le Jean Santeuil et tout ça, enfin tout ça, c'était une nourriture quotidienne. Luchino Visconti, le réalisateur qui était au micro d'Henri Chapier, c'est en 1971, Visconti qui fait partie de ceux qui ont voulu penser, imaginer, adapter la recherche. Mais il y a après une réalité du lectorat. Sylvie Ducas, qui lit la recherche? Parce que tout le monde connaît Proust, tout le monde connaît À la recherche du temps perdu, mais la lecture, alors déjà, elle n'est pas authentique pour tout le monde. Et puis, si elle est authentique, elle ne va pas jusqu'au bout, parce que la recherche est un tout. Et bien souvent, on a lu que le premier chapitre, en fait. Oui, c'est très difficile. Moi, je travaille en littérature du contemporain, donc je sais très bien quel est le problème avec Proust. Clairement, les jeunes d'aujourd'hui ne le lisent pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le lisent pas, même dans des gens de ma génération. Donc Proust, voilà, c'est une icône avec un certain nombre de paramètres qui ont été définis par certains qui l'ont lu. Mais c'est quelque chose dans lequel il est difficile de plonger les jeunes des générations actuelles. Pourquoi ? Parce que les jeunes, je pense, hein, ça c'est mon point de vue, hein, je suis pas sociologue et j'ai pas certainement pas tous les éléments. Moi, je suis frappée par la façon dont mes jeunes lisent à nouveau avec toujours avec le prisme réaliste. C'est-à-dire, s'il a mis autobiographie, c'est que c'est vrai, donc j'ai rien à douter de ça. Si c'est, il nous décrit, voilà, une aide aubépine, ben c'est forcément comme ça qu'elle est l'aide aubépine. C'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout la part d'écriture, c'est-à-dire comment écrire le monde autour de soi, comment écrire le moi, c'est pas le décrire, et c'est pas non plus, ils lisent avec le prisme de l'auteur. Je leur dis, mais l'auteur ne, voilà, Proust, hein, le Contre Sainte-Beuve, on ne doit pas lire en la cherche comme une autobiographie, c'est un l'auteur ne compte pas, c'est le texte. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, selon moi, à cause des réseaux sociaux, du numérique, des séries, Netflix et autres, pour faire publicité. Mais voyez, donc il y a une espèce de regard qui a été repris par le cinéma, c'est intéressant, Visconti. Ce Visconti, il écrit cinématographiquement. Et il est proche de Proust quand on regarde ses films. Mais c'est pas vrai de certains films d'aujourd'hui. Ce serait difficile, hein, de faire un film aujourd'hui dans la veine proustienne. Oui, Anatole France, ce serait peut-être plus simple. Peut-être que finalement Anatole France va revenir grâce à Internet. Étienne Sautier, juste aujourd'hui, où en est-on au Brésil avec Proust ? Il reste toujours une des références essentielles. Alors ça reste un auteur qui est lu. Est-il beaucoup lu ? Je ne sais pas. On s'en réclame beaucoup. Et par ailleurs, c'est au Brésil actuellement, on a en ce moment une troisième traduction de Proust. Alors les traductions de Proust au Brésil, c'est une histoire particulière parce que la première, ça a été tout un pool d'écrivains en général connus à l'époque qui ont fait les multiples volumes chapeautés par une maison d'édition. Le deuxième, il y a eu un seul traducteur qui est décédé l'année passée, d'ailleurs Fernando Pi, qui a traduit en entier. Et l'édition actuelle est faite par deux traducteurs, Mario Sergio Conti et Rosa Freire Diaguiar, qui sont en train de travailler dessus actuellement. Ah oui, donc il y a une vitalité oui. D'édition. Et Étienne Sautier, on peut poursuivre votre démarche de la diffusion de Proust à l'étranger. Vous connaissez très bien le Brésil, mais on pourrait s'amuser à faire ça dans tous les pays. Je suis sûr qu'on aurait des résultats complètement différents. Alors effectivement, actuellement, on travaille avec un groupe d'autres personnes sur les réceptions étrangères de Proust pour Folio Classique cette année, sur un ouvrage qui va regrouper une anthologie des réceptions étrangères de Proust. Ah bah génial, écoutez, déjà Proust sous les tropiques, diffusion, réception, appropriation et traduction de Marcel Proust au Brésil. Édition du Septentrion, c'est formidable, c'est votre ouvrage Étienne Sautier. Et merci aussi à vous Sylvie Ducas, La littérature à quel prix, aux éditions La Découverte, histoire des prix littéraires. Merci à tous les deux, il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on pu écrire que Boris Johnson est le perfide d'Albion ? Le 15 septembre 2020, La Voix du Nord a critiqué les propos du Premier ministre britannique, qui remettait en cause l'accord du Brexit concernant l'Irlande du Nord, en publiant un article intitulé « Boris Johnson, le perfide d'Albion ». Pour comprendre la signification de cette expression, c'est toute l'histoire des rapports entre la France et la Grande-Bretagne qu'il faut mobiliser. Albion, issu du latin « albus », qui signifie « blanc », est le nom que des auteurs de l'Antiquité, comme Pline l'Ancien, ont forgé pour désigner l'Angleterre, peut-être en raison de la blancheur des falaises crayeuses de Douvres. Le thème de la perfidie des Anglais nous renvoie au début de la guerre de Cent Ans. En 1337, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui était le vassal de Philippe VI, le roi de France, pour la province qu'on appelait alors la Guyenne, c'est-à-dire l'Aquitaine d'aujourd'hui, prétendit qu'il était l'héritier de la couronne de France. Dénoncé par Philippe VI comme une félonie, cette revendication déclencha ce qu'on a appelé par la suite la guerre de Cent Ans. C'est à partir de ce moment-là que les érudits, chargés de raconter les exploits des rois de France, ont fait de la trahison, et donc de la perfidie, un trait récurrent du caractère national anglais. Ce stéréotype féodal a été réactivé à chaque fois que la France et la Grande-Bretagne ont été en conflit. Ce fut le cas en 1627-28, quand la couronne d'Angleterre apporta son soutien aux protestants de La Rochelle, assiégés par les troupes du roi Louis XIII. Ce fut le cas à nouveau en 1756, lorsqu'éclata la guerre de Sept Ans, qui se solda par une cuisante défaite française. Ces conflits multiséculaires alimentèrent une anglophobie qui inspira un poète pendant la Révolution française. Il s'appelait Augustin Louis de Ximénès. Je suppose que son nom ne vous dira rien, car ses œuvres ne sont pas passées à la postérité. Pourtant, en 1793, au moment où les troupes révolutionnaires affrontaient celles de l'Europe coalisée contre elles, c'est lui qui déclama les vers qui résonnent encore aujourd'hui, tout au moins dans les colonnes de la Voix du Nord. Des Grecs et des Romains, imitons le courage, attaquons dans ses eaux la perfide Albion. À la fin du XIXe siècle, le rapprochement diplomatique entre la France et le Royaume-Uni au sein de la Triple Entente eut pour effet d'éclipser ce stéréotype. À partir de ce moment-là, et jusqu'aujourd'hui, les discours dominants présentèrent les Anglais comme les alliés naturels de la République française. Ce sont les Allemands qui furent considérés comme nos ennemis héréditaires. Le stéréotype de la perfide Albion ressurgit néanmoins pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 juin 1940, la France vaincue signa l'armistice avec l'Allemagne hitlérienne. Pour éviter que la flotte française se mette au service d'Hitler, la Royal Navy lança une attaque massive contre une escadre de la Marine nationale dans le port militaire français de Mers El Kébir en Algérie, attaque qui causa la mort de 1300 marins. Étant donné que la convention d'armistice stipulait que la flotte française resterait neutre, cette opération fut perçue comme une nouvelle trahison de la perfide Albion. Les partisans de la collaboration avec l'Allemagne exploitèrent largement ce stéréotype jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci vivement Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Judès, Jeanne Delecroix, Valentine Leverins, Pauline Maragou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.